Chapitre 22. Le feu. L'île brûlait. Le vent poussait la flamme de telle sorte que l'on pouvait camper sans péril à la pointe où se trouvait l'abri d'Elem. Tous les tardigrades s'y massèrent, y installant leurs blessés. La jeune fille, émue du courage de ces pauvres hommes et des services qu'ils avaient rendus à Vamiré, avait vaincu ses dégoûts et aidé à panser les blessures. Sur les tristes mufles appesantis de lassitude, une expression de joie courait, comme des rides sur un étang, au passage de Vamiré ou de sa compagne. La plupart s'étaient endormis dans leur attitude favorite, et à travers le lourd sommeil, ils restaient vivre le cauchemar de la lutte, poussaient des cris, aboyaient sourdement, levaient d'entre leurs bras des faces frénétiques, avançaient des mâchoires lourdes. Vamiré avait retrouvé l'oriental captif. Après des efforts persévérants mais inutiles pour rompre ses liens, l'homme avait atteint en roulant le bord du fleuve dans l'intention de s'y jeter et de gagner l'autre rive. Il avait alors hésité devant la violence du courant et avait voulu au moins ronger les courroies qui serraient ses jambes. Mais ce travail n'avait pu aboutir avant l'arrivée du Bzan. Des flammes montaient, trouaient la nuit. Des vols d'oiseaux nichant aux hautes branches traversaient la lueur. Les étoiles disparaissaient derrière les volutes de fumée qui, éclairées d'en dessous, apparaissaient blanches, ombrées comme des nues, pleines de trous de perspective, profonds comme des abîmes. Sous le vent, cela prenait un fil, s'allongeait en écheveaux ondulés, s'abaissait, palpitait en choses vivantes, ou, aux phases d'extinction, faisait naître le brusque effroi d'une chute de grosses roches, d'une pluie de cendres épaisses, d'une condensation solide de la ténèbre. D'ardentes, les langues pourpres reprenaient vite, toute altière de vaincre. Elles emportaient dans leur torsion les crépitements des fibres sèches, les explosions des sèves surchauffées, et à leur sommet, les étincelles retombaient, abondantes et languissantes un peu, ainsi qu'une bave en gouttelettes, une rosée de colère meurtrie et s'apaisant. Au miroir de l'onde, tout se conjuguait. Les symétriques de la flamme onduleuse, les fumées et la montée des braises fictives joignant la chute des réels. Lorsque la furie légère des gaz en ignition quittait un massif, emportant les étoffes fines de la vapeur, les arborescences se dessinaient en grimoire pâle, avivées à des souffles inconnus, grésillant à tout ressaut de la brise et comme traversées d'ondulations alternativement lumineuses et obscures. Aux profondeurs touffues, l'incendie couvait, bas, lent et lourd, sous d'âpres flocons de fumée humide. Puis criait, éclatait, s'élançait, mordait les branches minces et les feuilles racornies, flambait sur les herbes séchées, frôlait longtemps les gros arbres et brusque se dispersait en gerbes détonantes où ses forces semblaient mortes. De leur campement, derrière les massifs, les Asiatiques regardaient brûler l'île. Leur situation n'était guère brillante. Ils avaient vainement essayé de mener le chien à une troisième attaque. Leurs armes étaient perdues, sauf celle du blessé qu'il fallait réserver pour des défenses ultimes. Inquiets en outre du sort de leur frère disparu et avec la perspective d'être abandonnés par le chien, les jeunes voyaient l'anéantissement proche et regrettaient de ne pas s'être confiés à la sagesse du chef. Lui, fataliste, plein de résignation, ne disait rien, courbé vers le feu, sa figure très grave tendue par des tristesses. Humbles les autres lui parlèrent, disant leur désarroi, la nécessité de s'entendre avec l'ennemi. Il les écouta, longtemps silencieux, puis... Jeunes hommes, la sagesse du conseil transmise du père au fils veut que la paix soit proposée au début de la guerre, alors que l'armée est forte, que les destins sont inconnus et qu'il n'en peut résulter d'humiliation. Mais elle enseigne qu'il faut mourir à l'heure de la défaite et ne point s'exposer au sarcasme du vainqueur. À l'heure de la paix, vous vouliez la guerre. À l'heure de la guerre, vous voulez la paix. Il se peut que notre ennemi, chez qui tout annonce la sagesse avec le courage, préfère la certitude d'une entente au hasard dernier d'un combat. Le feu l'obligera peut-être à quitter l'île. Et s'il doit parler, il parlera alors. Sinon, il faudra nous préparer à la victoire, à la mort ou à la fuite. L'aube, lilas très pâle, teignait l'est. Le feu plus ardent et comme craintif du jour où ses splendeurs seraient noyées, bondissait aux cimes en flambée plus haute, mugissait ainsi que les troupeaux du buffle assaillis par les fauves, ou crépitait, sec et cruel, en petits chocs, en petits cris, pareil aux nuées bruissantes de la sauterelle destructrice des gramènes, aux légions acides de la fourmi en marche sur les villages. Ses hélices claires de reptiles embrassaient les grands troncs, atteignaient les feuilles recroquevillées d'abord, dévorées ensuite, et qui, toutes incandescentes, ballottaient à la brise matinale en papillons de lumière, en essaim de guêpes folles. Il faisait très chaud. Inquiet au travers du sommeil, les tardigrades reculaient davantage vers la pointe extrême de l'îlot. Vamiré, rêveur, contemplait l'incendie. Il avait assuré son canot, ses armes. Hélème dormait dans l'abri. Le petit singe se tenait accroché à des branches, éveillé comme son maître et tout épouvanté de la lueur et du bruit. Pourtant, à la défaite des grosses branches fouillées par le feu, les flammèches devenaient plus massives. Elles décrivaient des courbes étroites, avivées au vent de leur chute, palpitantes ainsi que des étoiles, et tant qu'elles n'étaient pas tombées, on les eût crues souples et vaporeuses. Mais elles frappaient le sol, très rudes et pétillantes, avec des jets colères d'étincelles. Le psan avait délié les pieds de l'oriental et interrompu le soleil d'Hélem afin qu'elle pût lui servir d'interprète. « Demande à ton frère, dit-il à la jeune fille, s'il ne croit pas à l'heure venue de faire la paix. » « La mort, dit l'Asiatique, ne saurait m'effrayer. » « Je sais que tu es brave, fit Vamiré, mais celui-là n'est pas un lâche qui se sauve en sauvant ses frères. » « Les miens ne sont pas vaincus. » « Non, dit le psan, mais ils ne sont plus que deux, et la bête a appris à nous craindre. » Il vint une longue pause durant laquelle l'oriental réfléchissait. L'aube montait d'un degré, la fine teinte de la pie passait à la turquoise. Un demi-jour à queue régnait où l'horizon du fleuve était dévoilé. Par tous les arbres, le ciel, les rives basses, parurent d'une fraîcheur extrême en regard de la sécheresse vibrante du feu. Le psan envia de reprendre son voyage à la face verte de l'onde, de remonter le fleuve géant avec ses forêts, ses roches, les embouchures larges des rivières, le mugissement des cascades, la voix mince des cascatelles, le ruissellement fouetteur des rapides, l'ombre des passes encaissées où se médit l'eau, la clarté des chenaux vastes. Cependant les flammes achevaient la cuisson féroce, pâlies dans la lumière naissante, convulsionnées en grosses langues ou épandues en tissus délicats, accrochées aux raies grêles des ramilles. Loin, aux profondeurs sylvestres, on entendait l'aboi des chiens en chasse, et cela tira l'oriental de sa méditation. Il vit que Vamiré aussi se rendait compte de l'absence de la bête et de la facilité d'un coup de force dans le camp ennemi. « Que veux-tu de moi ? » demanda-t-il au psan. « Que tu parles à tes frères, » répondit celui-ci. L'oriental se leva, suivi de Vamiré et d'Hélem, et marchant jusqu'au rivage de l'île, il lança le cri d'appel des tribus. « Réa ! Réa !» Le chef brachycéphale sortit aussitôt du couvert, accompagné du jeune homme valide. « Notre frère est-il captif de l'homme des contrées inconnues ?»« Il est captif. Vient-il nous demander aide ou vengeance ?»« Non. L'homme de l'amont du fleuve demande la paix. »« Qu'il délie donc tes mains, car le conseil veut que tu parles de ces choses en homme libre. » L'oriental transmit à Vamiré le désir du vieillard. Le psan hésita une minute dans la crainte d'une perfidie, puis, sans mot dire, il défit les liens. Le captif ne bougea point, très grave, élevant seulement ses bras au-dessus de sa tête.